Le phare trembla de la base au sommet. J'entendis le vieux qui gueulait mon nom là-haut. La cage qui se brise, que je m'écriai. Nous sommes foutus. Un tour du monde des phares, première escale, Cordouan. Allô, allô, qui appelle phare de Cordouan, j'écoute. Allô, phare de Cordouan, ici pilote Gironde, le bateau pilote. Pilote Gironde, est-ce que vous me recevez? Allô, oui, pilote Gironde, je vous reçois très bien, je vous écoute. Oui, alors en réponse à la demande, votre rythme de feu est correct. Rythme de feu correct et balayage régulier. Allô? Allô, oui, j'ai bien reçu, merci. Quel temps avez-vous là-bas, s'il vous plaît? Oh ben actuellement, j'en ai en ouest, force 2, c'est du bon temps, hein, c'est du bon temps, à vous. Bien, eh bien, ici, tout va bien, je vous dis merci. Et moi, j'attends 23h. Allez, bonsoir et à plus tard. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Les phares signalaient la terre aux marins. Aujourd'hui, les phares signalent la mer aux terriens. Et nous nous sommes dit que c'était une belle manière de tourner la page de l'an qui finit en allant les visiter. En compagnie, bien sûr, quand on parle phares, il y a une sorte d'équivalence. En compagnie de Vincent Guignot, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors, une thèse sur les phares. Oui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Vous êtes ingénieur et vous êtes devenu docteur en histoire et vous travaillez maintenant comme directeur adjoint de la recherche au musée du Quai Branly de l'autre côté de l'eau. Je parle du point de vue de la maison de Radio France. On va commencer en parlant de la France. On fera un tour du monde après. Ah oui, on va visiter de nombreux littoraux, de nombreuses mers. Il fallait trouver un point de départ à ce voyage. Alors, ça aurait pu être Alexandrie, ça aurait pu être un phare anglais. Moi, j'aime bien commencer par Cordouan. Oui, mais Cordouan n'existait pas quand les premiers phares ont été mis en place à l'époque romaine sur les côtes de France. Non, il est plus tardif. La première tour de Cordouan date du Moyen Âge. En effet, on a des traces antiques de phares. Quand les Romains ont été conquérir l'Angleterre, ils ont laissé des traces. C'est une trace de Caligula en France, à Boulogne? Oui, à Boulogne, et puis de l'autre côté, à Douvres, où on peut encore visiter dans le château la tour romaine. On trouve aussi de l'archéologie de phares à La Corogne, le phare de la tour d'Hercule, où des fouilles ont montré la base romaine. Donc le pouvoir, l'Empire romain, signalait ses côtes comme avant. Les villes grecques l'avaient fait. Voilà, un phare, c'est toujours la marque d'un pouvoir. D'un pouvoir, mais pas nécessairement d'un pouvoir princier. Ça peut être un pouvoir religieux. Point de Saint-Mathieu, au Conquet, une abbaye, une tour à feu. Oui, d'ailleurs, on trouve ça dans les pagodes, certaines pagodes asiatiques également. On a colonisé le littoral avec des lieux de prière, des abbayes, et les moines ne faisaient pas que prier pour le salut des marins. Parfois, ils allumaient un feu pour les aider à trouver leur route. Et quand on parlera de Cordouan, on verra que les premiers gardiens venaient d'ordre monastique. Et les commerçants, les marchands à Marseille avaient pensé à installer des phares? Alors, il y a eu le phare du Planier, oui, qui a été un des plus anciens également, puisque l'îlot du Planier est très, très mal situé aux abords de Marseille. Et là aussi, Marseille a été très tôt signalé par cette tour qui marquait un danger à l'approche du port. Alors, je vais suivre votre petit volume de découverte sur les ports français et vous y raconter, dans de nombreuses pages consacrées à Cordouan, qu'il y a une antériorité anglaise à Cordouan? Oui, la première tour construite avérée, parce qu'on parle aussi d'une tour au XIe siècle dont on n'a pas de traces, mais en revanche, on est sûr qu'au XIVe siècle, les Anglais, donc qui occupent la Guyenne, font construire une tour dite Tour du Prince Noir, dont on voit des restes sur les gravures du phare de Cordouan, celui dont on va parler. Mais qu'est-ce qu'il y a au sommet de cette tour à feu? Or là, on fait juste brûler du bois, des huiles, donc un foyer pour signaler l'entrée de l'estuaire, puisqu'il y a un trafic très très important dans cette rivière de Bordeaux, comme on l'appelle. Alors, cette partie de la France était anglaise. Ensuite, le pouvoir royal va signifier, en construisant Cordouan, qu'il peut devenir un symbole de l'identité nationale. C'est drôle d'ailleurs, Cordouan a été classé monument historique en même temps que Notre-Dame de Paris en 1862, et l'année d'avant était paru un volume de Michelet, La Mer, 1861. Michelet avait des loisirs sous le Second Empire, puisqu'il avait été déchargé de sa chaire du Collège de France. Il a passé de nombreux mois à Saint-Georges de Didonne, il a observé la tempête pendant 5 jours de suite à Saint-Georges de Didonne, et puis cette étoile du phare qu'il contemplait depuis la côte. Cordouan est sur un écueil que l'eau ne quitte jamais. L'audace, en vérité, fut grande de bâtir dans le flot même, que dis-je, dans le flot violent, dans le combat éternel d'un tel fleuve et d'une telle mer. Pendant 6 mois de séjour que nous fîmes sur cette plage, notre contemplation ordinaire, je dirais presque notre société habituelle, était Cordouan. Nous sentîmes combien cette position de gardien des mers, de veilleur constant du détroit, en faisait une personne. Debout, sur le vaste horizon du couchant, il apparaissait sous 100 aspects variés. Parfois, dans une zone de gloire, il triomphait sous le soleil. Parfois, pâle et indistinct, il flottait dans le brouillard et ne disait rien de bon. Au soir, quand il allumait brusquement sa rouge lumière et lançait son regard de feu, il semblait un inspecteur zélé qui surveillait les eaux, pénétré et inquiet de sa responsabilité. Quoi qu'il arrivât de la mer, toujours on s'en prenait à lui. En éclairant la tempête, il en préservait souvent et on la lui attribuait. C'est ainsi que l'ignorance traite trop souvent le génie, l'accusant des maux qu'il révèle. Nous-mêmes, nous n'étions pas justes. S'il tardait à s'allumer, s'il venait du mauvais temps, nous l'accusions, nous le grondions. « Ah, Cordouan, Cordouan ! Ne sauras-tu donc, blanc fantôme, nous amener que des orages ?» Texte fondateur, Vincent Guignot. Oui, c'est un texte magnifique de Michelet. Le livre, d'ailleurs, La Mer, a des accents tout à fait prophétiques quand il parle de la ressource en poisson. Enfin, c'est un livre formidable. Et on y trouve ce texte d'un des premiers touristes, en fait, de phare. Quand on disait que les phares montrent la mer aux terriens, cette expression, Michelet l'a... On peut lui faire partager parce qu'il ne navigue pas, il regarde depuis sa villégiature et il prend plaisir à contempler ce phare dont il attend l'allumage, dont le rayon ou les faisceaux ne sont pas les mêmes en fonction de la météo. Donc il n'est pas un marin, mais il prend plaisir à regarder ce spectacle qui n'en est pas un pour le marin, puisque c'est un lieu, le phare, un lieu de sécurité. Mais Michelet, donc, donne ses lettres de noblesse littéraire et historique à Cordouan, dont il fait le premier phare de ce chapitre, et non pas Alexandrie. Mais le cycle, les ânes, dans l'embouchure de la Gironde, c'est un site peuplé de bancs de sable qui bougent tout le temps, en plus. L'accostage est difficile. Oui, c'est un lieu extrêmement compliqué, puisque les bancs varient. On a même vu, il y a quelques années, apparaître une île à côté de Cordouan. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un plateau rocheux, qui lui est fixe, et sur lequel les bancs se fixent, bougent. Depuis quelques années, je pratique Cordouan, j'ai vu les abords changer. Il faut changer les routes pour approcher du phare. Donc le phare, il faut à peu près une demi-heure pour s'en approcher. Là, le bateau jette l'ancre. Vous devez prendre un bateau plus petit qui va aller atterrir sur la plage, sur le sable. Et là, il va falloir marcher et rejoindre le Péra qui vous conduit vers la porte à marée qui s'ouvre dès que l'eau a baissé, puisque Cordouan est entouré d'eau à chaque marée. Alors le producteur de France Culture qui a réalisé un sur les docks relatifs à Cordouan, navigue-t-il comme Michelet ? A-t-il le pied marin ? Bon, allez, là il y a 30 cm d'eau, allez, faut y aller là. Parce qu'autrement, la plate va toucher, puis après, ça va être le bordel. Personne ne nous a prévenu, hein, sinon moi, j'avais des bottes. Hein. Allez, il faudrait y aller, les gars, parce que le bateau va toucher. Hein. Comme oui. C'est marée basse, ça va toucher. Oui, Bon, vous voyez, Cordoue, on se mérite, mais une fois qu'on est posé sur la terre ferme, on est content. Alors, ce magnifique phare fait 67,50 m de hauteur, tel qu'il est là, c'est-à-dire posé sur la roche, et il fait 41 mètres de diamètre à la base. Mais s'il avait eu des bottes, Christian Rosset de France Culture aurait glissé. Mais il est piloté par Jean-Paul Aymon, que vous connaissez bien, Vincent Guignot. Il y a 20 000 touristes qui abordent ainsi dangereusement chaque année. Oui, on a une très belle peinture qui montre des touristes anglais au tout début du 19e siècle, portés par les gardiens sur le banc de sable. On a des règlements qui encadrent cette visite parce que avec l'eau qui monte à chaque marée, il faut pas que les touristes se noient. Donc c'est bien parce qu'il y a eu des noyades qu'on a commencé à réglementer ces abords. Là, ce qu'on a entendu, c'est la relève qui se fait vraiment au plus près du phare parce qu'on apporte, alors non seulement on transporte les journalistes de Radio France, mais aussi tout le ravitaillement puisque les gardiens chaque semaine étaient ravitaillés, que l'un d'entre eux descendait, un autre montait au phare. Donc là, on est vraiment au plus près du phare et de la marée descendante. Alors, bâtir sur la terre, c'est pas rare. Bâtir sur la mer, c'est quand même aventureux. C'est sous les règnes successifs de trois rois, Henri II, III, IV, que Cordouan est pensé, conçu et construit par deux architectes successifs. Oui, alors le projet est initialement un projet de la ville de Bordeaux. C'est Montaigne qui va être le premier à vouloir reconstruire la tour anglaise qui était en train de tomber en ruine. Et ensuite, le projet est récupéré par les rois de France. Et l'architecte Louis de Foix, qui travaille pour les rois, leur vend l'idée d'un nouveau phare d'Alexandrie. C'est-à-dire, au fond, ce qui est intéressant, c'est que Cordouan, d'emblée, est non seulement pensé comme une aide à la navigation, puisqu'il signale un endroit extrêmement dangereux, mais également comme un monument, quelque chose qui va transmettre la mémoire de ceux qui l'ont commandité, comme Sostras de Cnide l'avait fait pour la tour d'Alexandrie avec les Ptolémées. C'est vraiment cette image. Alors, on ne sait pas du tout, à cette époque, on n'a pas les archéologues qui ont retrouvé Alexandrie, mais on a cette mémoire, ce souvenir. Et Louis de Foix, qui est l'architecte principal, c'est lui qui va vraiment être le maître d'œuvre de Cordouan, va transmettre cette idée, ce qui explique une architecture tout à fait particulière, une chambre des rois, une chapelle. Donc c'est bien cette double définition du phare comme monument et comme aide à la navigation, qui est d'emblée dans le projet de Cordouan. Donc, et avec un décor qui a résisté d'ailleurs assez bien à l'ère marin, de colonnes toscanes avec des têtes de lions, de méduses, de Neptune, des chimères aux torses de femmes, etc., etc. Oui, ce qui est tout à fait extraordinaire, mais ça s'explique parce que c'est un projet royal, c'est de trouver un tel luxe, un tel souci de l'ornementation dans un endroit que, a priori, personne ne peut visiter. Mais le projet, on dit que Cordouan, c'est Versailles des mers, je dirais plutôt que Versailles, c'est le Cordouan de la terre, parce que on est très très avant Versailles, mais on est là pour honorer la mémoire des rois à travers l'architecture. Et également, c'est pas du tout neutre, Henri IV décide de consacrer une chapelle pour montrer à la fois sa légitimité politique et religieuse à devenir le roi. Alors la chapelle, voici Christian Rosset, le pied sec maintenant dans cette chapelle. C'est le seul phare qui possède une chapelle. À l'origine, sur l'îlot Rocheux, il y avait des habitations, il y avait un four à chaux, il y avait des écuries, il y avait également une chapelle. Et Louis de Foix, qui a édifié ce phare, à un moment donné, a imaginé mettre la chapelle qu'il y avait sur l'îlot Rocheux, de faire une chapelle au-dessus à la partie supérieure de ce phare. Alors, la première partie de la construction a été commencée sous Henri III. Lorsque vous pénétrez dans cette chapelle, sur votre gauche, vous avez des écussons avec des initiales gravées dans la pierre en hommage à Henri de Valois, Henri III, HDV, avec les deux couronnes royales qui se trouvent de chaque côté. Et il a été fini sous Henri IV, où vous avez les initiales HDB, Henri de Bourbon, avec les deux couronnes royales également qui se trouvent de chaque côté. Alors, on peut également voir dans cette chapelle le texte d'un sonnet qui a été composé à la gloire de Cordouan. à la demande de l'architecte Louis de Foix, dont le buste est également toujours dans la chapelle et regarde le visiteur. Et en 2011, pour les 400 ans de l'allumage de Cordouan, le ministère de l'écologie, qui a la responsabilité des phares, a commandé à un jeune compositeur, Jean-Marie Gagez, une polyphonie contemporaine qui rappelle la musique du temps de Cordouan, une polyphonie sur le texte de ce sonnet qui dit la gloire du phare et de son architecte. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons notre tour du monde des phares en quatre étapes par Cordouan dans l'embouchure de la Gironde. Le phare est allumé, Vincent Guignot, disiez-vous, en 1611. Fin 17e des travaux de restauration par Colbert. Colbert et Vauban qui ont disposé de nouveaux feux le long des côtes françaises. Oui, on rentre vraiment dans une histoire d'un réseau où il faut signaler, alors là en l'occurrence les ports militaires que peuvent être Rochefort ou Brest, mais on construit des choses beaucoup plus simples, de l'architecture militaire, deux tours accolées avec en haut un foyer de charbon, et Cordouan qui lui aussi va être doté d'une lanterne de fer et d'un foyer de charbon, reste tout à fait exceptionnel dans son architecture, l'architecture des phares postérieurs étant plus simple. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs les premiers visiteurs. Forest de Bélidor, dans son traité hydraulique, va décrire Cordouan. Cordouan va devenir un lieu visité par alors quelques élus, des architectes, qui vont contempler cette œuvre tout à fait singulière. Et unique. Un lieu duquel on prend soin pour des restaurations, des aménagements à la fin du XVIIIe siècle, travaux financés par une imposition sur les bateaux qui entrent. Oui, c'est aujourd'hui on peut penser assez spontanément que le phare est un bien gratuit. C'est pas le cas, ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas chez nos amis britanniques. Les Anglais ont une antériorité en matière de phares. Ils ont créé au début du XVIe siècle la Trinity House, qui est une corporation chargée de collecter les droits de feu et de les utiliser pour construire et entretenir les phares. Et ce système était en place également sur les côtes de France jusqu'à la Révolution. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on connaît bien l'histoire de Cordouan, c'est parce qu'il faut y faire régulièrement des travaux, parce qu'il y a toujours une menace sur le lieu. Et puis il y a la collecte de ces taxes, qui n'est pas toujours très simple. Il y a un intendant, un gouverneur de Cordouan, qui est chargé de collecter cet impôt, qui s'appuie sur le très, très, très important trafic dans l'estuaire de la Gironde vers Mais le port de Bordeaux. La Révolution, qui ne va pas beaucoup toucher à l'architecture de Cordouan, va instituer le système du bien public dont vous parliez à l'instant. Et c'est sous l'Empire qu'est constituée une commission des phares. Plus tard, en 1830, il y aura le service des phares et balises. Cette commission des phares est peuplée de polytechniciens. Je dis ça parce que vous êtes polytechnicien aussi, Vincent Guignot. Oui, ils étaient assez nombreux dans cette commission, parce qu'en fait, la commission des phares est constituée sous Napoléon de marins, d'ingénieurs et de savants. Et la République avait besoin de savants, comme on l'a écrit, et l'école polytechnique créée en 1794 va fournir, j'allais dire, les trois branches, c'est-à-dire les ingénieurs sont des ingénieurs des ponts, les savants sont des mathématiciens ou plutôt des physiciens comme Arago, et les marins, on va faire appel à des marins un peu particuliers, qui sont les hydrographes, ceux qui font les cartes, et qui, eux aussi, sont issus de cette école. Et cette commission, on lui donne une mission qui est de penser un schéma général d'aménagement des côtes de France, de l'éclairage des côtes de France, parce qu'on a construit Cordouan, on a construit un peu à Ouessant, on a construit l'île de Ré, mais on n'a pas Dunkerque à Bayonne et sur les côtes de Méditerranée un système idéal qui, à la fois très simple et très contraignant, un bateau qui longerait les côtes de France ne devrait jamais quitter un phare de vue. Donc c'est cette mission qui est donnée à la commission des phares en 1811. Quadrillage systématique des côtes et puis aussi mise en réseau des savoirs qui sont liés au sens astronomique, géodésique. Et de ce travail collectif surgit un nom qui est celui de Fresnel, qui va en 1823 transformer profondément le système d'éclairage des phares. Écoutez cette émission intitulée rien moins que « Les bâtisseurs du monde » d'André Labarthe. Quand on nomma, par pure routine ou par hasard administratif, le petit ingénieur Fresnel, membre de la commission officielle qui devait rénover l'éclairage des côtes, du premier coup, avec sa lentille catadioptique, il bouleversait la technique du signal optique pour navigateur qui datait de près de 30 siècles. Quelques années avant Fresnel, on avait bien imaginé des réflecteurs à miroir sphérique ou parabolique, mais ils ne portaient pas à plus de 20 km. Fresnel se mit au travail. Il mit au point un nouveau système d'éclairage. On expérimente le dispositif au phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde. Il porte à 11 lieues, à 60 km. 1823. Oui, c'est d'ailleurs le seul phare que Fresnel verra éclairé par son système, enfin grand phare, puisqu'il meurt en 1827. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi Cordouan ? Parce qu'on aurait pu imaginer que les essais se fassent plus près de Paris, par exemple du côté du Havre. C'est un choix tout à fait symbolique. À la fin de l'Ancien Régime, donc Cordouan avait été exhaussé. On l'avait doté d'un cône qui permettait de porter plus loin le signal, et on lui avait mis ces fameux appareils catadioptriques, là, dont on dit qu'ils ne marchaient pas bien, ce qui n'est pas tout à fait juste, ils fonctionnaient. Les Anglais et les Écossais, par exemple, en avaient installé ce qui était extrêmement performant. Et la France est en retard dans cette technologie. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à Fresnel. Alors Fresnel, c'était un savant, c'est quelqu'un à qui on doit la théorie des ondes, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'optique des phares, mais enfin, c'est de l'optique, ça reste de la lumière. Et c'est Arago qui va chercher Fresnel, où on l'avait expédié en Bretagne construire des routes. Donc pour un savant, c'était pas tout à fait un emploi optimum. Donc Arago a besoin de quelqu'un, d'un secrétaire à sa commission des phares, et donc il pense à son ancien élève Fresnel, qu'il fait revenir. Et Fresnel propose comme c'est une innovation qu'on peut qualifier de rupture, c'est-à-dire on ne va pas améliorer le système précédent de ces feux tournants, qui sont déjà très sophistiqués, qui émettent un signal qui n'est pas continu, mais il va repenser à des cartes, il va repenser à ces lentilles qu'on peut tailler pour produire un faisceau lumineux. Et il va faire des essais à Paris, et puis ensuite il va faire construire par un opticien, comme on l'appelle, le bien nommé Soleil. Il va lui demander de faire un appareil de grande taille qu'il va aller installer à Cordouan, qui est un phare dont il sait qu'il va marquer les esprits parce que c'est un phare très connu. C'est le seul phare français connu au monde. Alors, le phare de Cordouan est identifiable par sa lumière. On va tenter une expérimentation. Je prie Arthur Le Breton, notre technicien, et nos auditeurs de rester calmes. Ceci serait un bruit rose. Et ceci serait un bruit blanc. L'occultation telle qu'elle est pratiquée par Cordouan serait la suivante à ce rythme. Ça fait rire notre réalisateur Étienne Bertin, mais il était temps que ça s'arrête parce que les services techniques allaient intervenir. C'est une sorte d'homologie que nous avons essayé de faire entre le son et la lumière, le son de la lumière, quoi. Oui, que les cornes de brume d'ailleurs reproduisent, parce que le son des cornes de brume répète mais sur une période plus longue, le signal lumineux. Ce qui est important, en effet, c'est que les phares, depuis la fin du XVIIIe siècle, ne sont plus fixes. C'est pas un foyer qui brûle en haut d'une tour. Pour que le marin puisse reconnaître et distinguer un phare d'un autre, il faut que ce phare ait ce qu'on appelle un caractère. C'est-à-dire qu'on puisse le reconnaître grâce à ce qu'il nous dit, à sa langue. Et cette langue, elle est lumineuse. C'est celle des éclats et des occultations. Donc les éclats, ce sont des flashs. Et les occultations, bah, c'est quand vous avez une lumière continue qui est occultée par des volets qui tournent. Et c'est le cas de Cordouan. Vous avez ces volets qui font trois occultations, 2+1, hein, des occultations groupées. Mais on l'a parfaitement entendu, et on a tout si à je puis dire. On a tout à fait compris grâce à votre expérience. De toute façon, les appareils de Fresnel produisaient une lumière qui a quasi disparu dès la fin du XIXe siècle à la suite des transformations qui ont été opérées dans le patrimoine des phares. Je dis patrimoine des phares parce que peu à peu, il y a un délaissement des phares qui a pu s'installer. Et moins les phares ont été utiles aux marins, plus ils ont été patrimonialisés. Le dernier témoignage que voici date de 1980, c'est l'année où Giscard d'Estaing dit « patrimoine numéro un ». À la page régionale, le phare de Cordouan, à l'entrée de la Gironde. C'est le plus vieux de France. Construit sous Louis XIII, il est toujours en activité, mais aujourd'hui, il aurait bien besoin de faire peau neuve. Un homme l'a surveillé pendant près de 40 ans, il s'appelle Jean Larieux, mais cet ancien ingénieur des travaux publics est déçu. Rien n'a été fait et la dernière visite des services des monuments historiques remonte à 15 ans. Ils sont venus une fois, ils ont restauré une première salle au premier étage, puis ça s'est arrêté là. La peinture Foulcan, en particulier dans la chapelle qui est magnifique. Alors tous décollent, les feuilles d'acanthe, tout s'en va à la dérive, quoi. C'est une catastrophe. Le service des phares et balises ne peut rien, c'est les beaux-arts qui doivent s'en occuper. Malheureusement, il y a longtemps que ça dure et plus ça va, plus ça tourne à la catastrophe. J'ai vu des phares, énormément de phares, mais aucun qui ressemble à Cordouan. Sur le plan architectural, il est unique au monde. Et alors ce phare est toujours en activité à l'heure actuelle? Il est toujours en activité, il y a toujours des gardiens, mais leur régime est loin de ce qu'il était quand j'ai débuté. Ils ne font plus, je crois, que 15 jours au phare pour 8 jours à terre. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus d'activité vraiment de phare à Cordouan, il n'y a plus de gardiens, mais il y a des guides pour les touristes. Grand transformation. Oui, Cordouan est exceptionnel par son ancienneté, on l'a dit, par ses expériences pionnières de Fresnel. C'est vraiment là qu'on a vu naître le système qui aujourd'hui s'est répandu sur tous les littoraux qu'on va parcourir dans nos escales. Et puis, il est aussi pionnier en matière de patrimoine. Vous avez rappelé qu'il avait été classé en même temps que Notre-Dame. C'est Léonce Reynaud qui était le grand directeur du service des phares, mais également architecte diocésain, qui avait fait valoir que Cordouan méritait bien d'entrer dans cette liste alors courte des monuments français. Le son qu'on a entendu de Jean Larieux était effectivement une sorte d'appel. L'historien dirait que Cordouan en avait vu d'autres, puisqu'on a des périodes où il menaçait ruine, sans doute plus que dans les années 80. Mais c'est vrai qu'il y a, depuis la création du ministère de la Culture, il y avait eu une discussion sur le statut. Est-ce que Cordouan, c'est un monument qui, par ailleurs, est un phare, ou est-ce que c'est un phare qui est également un monument. Les phares et balises ont organisé depuis très longtemps la visite, l'accueil des touristes, donc ils sont parfaitement conscients de cette vocation patrimoniale. Mais c'est vrai que l'entretien d'un phare en mer est très coûteuse et les crédits sont toujours à la baisse. Hein. Depuis que je fréquente les phares et balises, vous entendez on ça. Entend ça. Oui, pas seulement voilà, à la radio, dans les phares, c'est un peu toujours la même musique. Ce qui est très important, c'est que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, Cordouan a fait l'objet d'importants travaux maîtrise d'ouvrage du ministère de la Culture, et que les visites, elles, sont organisées par un syndicat mixte qui regroupe les départements, la grande région sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine, et que les gardiens, ces nouveaux gardiens, ne sont plus des gardiens phares et balises comme l'étaient Jean-Paul Aymon, Serge Andron, qu'on a pu entendre dans les témoignages, mais des gens qui, au fond, font ce travail que faisaient les gardiens d'accueil de ces gens qui viennent à chaque marée visiter le phare, et ce, depuis très longtemps. Et Cordouan, là aussi, a toujours une sorte de temps d'avance sur les autres phares français, puisque depuis le 1er février 2019, il est officiellement candidat, le candidat présenté par la France pour un classement à l'UNESCO. Donc Cordouan continue cette longue histoire et cette vocation pionnière qui a souvent été la sienne. Merci à vous, Vincent Guignot. Je rappelle que chez Découverte Gallimard, vous avez publié un volume fort intéressant sur les phares et vous en publiez un autre dont on parlera demain, le tour du monde en 80 phares, où il apparaît que le phare n'est pas seulement un symbole royal, le phare accompagne les empires coloniaux, les grandes routes maritimes qu'ils se taillent à travers le monde, mais ça sera notre sujet de demain. Cette émission a été préparée par Adèle Caïto, la technique Arthur Le Breton, la réalisation Étienne Bertin.